الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence aujourd'hui le cours 70 dans l'explication du livre de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, Al-Furqan بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان, avec les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan حفظه الله تعالى. Et donc on continue à partir de l'endroit où on s'est arrêté au dernier cours. Dans cette section, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il était en train d'expliquer que les meilleurs de cette umma, après les prophètes, sont les sahaba, et que après les sahaba, il n'y a pas d'awliya qui sont meilleurs que les sahaba. Pas d'awliya qui vont venir par la suite, qui peuvent être meilleurs que les sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on était en train d'expliquer la réfutation de certains d'entre les soufis qui ont prétendu qu'il y avait une catégorie qu'on appelle, ou bien un individu qu'on appelle Khatim al-Awliya, le sceau des Awliya, des saints ou des hommes pieux, et qu'ils prétendent, ou certains d'entre eux prétendent, que les Awliya, le Khatim al-Awliya, il est meilleur que les autres qui sont venus avant lui. Donc il est meilleur que les awliya qui l'ont précédé, et qu'il prétend non seulement qu'il est meilleur que les awliya qui l'ont précédé, y compris les sahaba et les autres, mais il prétend également qu'il est meilleur que les prophètes, et meilleur que Khatim al-Anbiya, meilleur que le dernier des prophètes. Donc ça, c'est clair que c'est du kufr, que c'est de l'égarement. Et Cheikh al-Fawzan, il expliquait que celui qui pense que la raison pourquoi ces gens-là ils prétendent que Khatim al-Awliya est meilleur que Khatim al-Anbiya, c'est parce que ils ont, certains d'entre eux parmi les soufis, ils ont la croyance que les Awliya sont meilleurs que les prophètes, parce que les prophètes ont besoin d'un intermédiaire pour recevoir le message d'Allah, comme les anges, tandis que les Awliya, ils prétendent qu'eux, ils rencontrent, ou bien ils ont la connaissance directe avec Allah, et la communication directe avec Allah, donc ils pensent qu'ils sont meilleurs qu'eux. Et il n'y a pas de doute que ça aussi c'est faux, et que c'est de l'égarement, et on a expliqué déjà à propos de ce sujet-là. Maintenant on va continuer, à propos de la, on va suivre qu'est-ce que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah explique par la suite. Il dit « بل جميع له من الفضائل والمعارف والأعمال الصالحة ما فرقه في غيره من الأنبياء فكان ما فضله الله به من الله بما أنزله إليه وأرسله إليه لا بتوسط بشر. » Donc ça, c'est la suite de qu'est-ce qu'on lisait au dernier coup. Pour se remettre dans le contexte, le cheikh, il dit: ولهذا نعم فبخلاف أمة محمد صلى الله عليه وسلم فإن الله أغناهم به فلم يحتاجون معه إلى نبي ولا إلى محدث بل جميع له من الفضائل أو بل جمع له من الفضائل والمعارف والأعمال الصالحة ما فرقه في غيره من الأنبياء. Donc on expliquait que les prophètes précédents, comme les prophètes de Bani Israël, ils se référaient en général à la Torah. Donc ils avaient besoin d'une révélation d'un autre prophète, comme Isa alayhi salam. Il a reçu l'Injil, mais il se référait en grande partie à la Torah de Moussa. Donc il avait besoin d'une révélation précédente ou d'un prophète précédent pour établir son message. Tandis que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et la umma de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle n'a pas besoin d'un prophète précédent ou d'une révélation précédente, puisque sa révélation est une révélation complète. Et il explique que dans la umma de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu le rassemblement et la réunion de tous les mérites, de toutes les connaissances et de toutes les bonnes œuvres, qui fait que cette umma, la umma du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, se distingue des autres prophètes. Et Cheikh al-Fawzan, il dit à ce sujet-là, نبينا محمد صلى الله عليه وسلم جمع الله له من الفضائل والعلوم والمعارف ما فرقه في الأنبياء السابقين فهذه الشريعة مشتملة على كل ما تحتاجه البشرية في كل زمان ومكان لأن الله شهد لها بالكمال فقال سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا والكامل لا يحتاج إلى غيره لا من السابق ولا من اللاحق. Donc Cheikh Al-Fawzan, il dit que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui a réuni tous les mérites et toutes les sciences, toutes les connaissances qui le distinguent donc des prophètes précédents. Et donc cette charia qu'il a reçue, la charia de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle comprend tout ce que l'humanité a besoin, à toute époque et à tout lieu, peu importe l'endroit dans le monde, peu importe l'époque. Contrairement aux prophètes précédents, qui avaient des révélations qui étaient limitées à des peuples spécifiques et à des époques spécifique. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a témoigné de la perfection de ce message et du fait qu'il est complet dans le verset 3 dans Surat Al-Ma'ida, dans lequel il dit ce qui signifie « Aujourd'hui, j'ai complété pour vous votre religion. » Donc, ça veut dire que la religion, elle a été complétée. « Wa atmamtu alaykum ni'mati. » J'ai parachevé sur vous mon bienfait et j'ai agréé l'islam comme religion pour vous. Donc cette religion, elle est complète, elle est parfaite. Elle n'a pas besoin d'une autre révélation ou de quelque chose des prophètes précédents pour la compléter. Et elle ne sera pas non plus complétée par quelqu'un d'autre qui va venir après. Hein? Donc le cheikh, il dit ensuite, cheikh l'islam, « فَكَانَ مَا فَضَّلَهُ اللَّهُ بِهِ مِنَ اللَّهِ » فكان ما فضله الله به من الله بما أنزله إليه وأرسله إليه لا بتوسط بشر. Donc le cheikh il explique que le bienfait et l'excellence et le mérite de ce que Allah a donné au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça vient d'Allah, hein, et de ce que Allah lui a envoyé, et par le fait qu'il l'a envoyé avec la révélation et non pas par l'intermédiaire d'un autre être humain. Le cheikh Al-Fawzan il explique à ce sujet-là, il dit فالفضل الذي آتاه الله رسوله صلى الله عليه وسلم هو من الله ليس بواسطة بشر فهذا رد على الذين يقولون إن الأنبياء يستفيدون من خاتم الأولياء ويحتاجون إليهم لأن خاتم الأولياء وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لأن خاتم الأولياء يأخذ عن الله مباشرة تعالى الله عما يقولون. Donc le cheikh il dit que le mérite que Allah a donné à son messager, ça vient d'Allah, c'est pas par l'intermédiaire d'un autre être humain, hein? Et ça c'est une réfutation de ceux qui prétendent que les prophètes profitent du dernier des saints ou du sceau des saints et qu'ils ont besoin de lui, hein, ou qu'ils ont besoin d'eux, et que il dit que le Khatim al-Awliya, il prétend que lui il prend directement d'Allah. Donc que Allah soit exalté de ce genre de propos. Ensuite Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah il dit وَهَذَا بِخِلَافِ الْأَوْلِيَا فَإِنَّ كُلَّ مَنْ بَلَغَهُ رِسَالَةُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم لا يكون وليا لله إلا باتباع محمد صلى الله عليه وسلم. Donc il dit contrairement aux autres, contrairement aux awliya, parce que les awliya, hein, et toute personne, les awliya c'est les serviteurs rapprochés d'Allah, hein, et toute personne à qui le message de Muhammad صلى الله عليه وسلم est parvenu, il ne peut être un wali. Il ne peut être un wali, c'est-à-dire un serviteur rapproché d'Allah, excepté en suivant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc le cheikh il explique, cheikh Al-Fawzan, à ce sujet-là, il dit لا يكون وليا لله بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من اتبعه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم ومن يطع الرسول فقد أطاع الله ومن يتولى فإن فما أرسلناك عليهم حفيظا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. Donc le Cheikh Al-Fawzan il explique que quelqu'un ne peut pas être un wali d'Allah après la venue du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam excepté s'il l'a suivi, comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans le Coran, verset 31 dans surat Al-Imran, il dit ce qui signifie, dit au Muhammad, si vous aimez Allah alors suivez-moi et Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés et Allah est pardonneur et miséricordieux. Et dans le verset 80 dans surat An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, et quiconque obéit au messager a certes obéi à Allah, et quiconque se détourne, alors nous ne t'avons pas envoyé sur eux comme un gardien. Et le verset 92 dans surat Al-Ma'idah, et obéissez à Allah et obéissez au messager. Et le verset 132 dans surat Al-Imran, et obéissez à Allah et au messager pour que vous puissiez obtenir la miséricorde. Hein. Et le verset 7 dans surat Al-Hashr, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, et ce que le messager vous donne, prenez-le, et ce qu'il vous a, et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Ensuite, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit, وكل ما حصل له من الهدى ودين الحق فهو بتوسط محمد صلى الله عليه وسلم. Donc, le Cheikh, il explique que tout ce que la personne qui est un serviteur d'Allah a pu obtenir comme guidance et comme religion de vérité, alors c'est uniquement par l'intermédiaire du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le Cheikh Al-Fawzan il dit à ce sujet-là, وَمَا حَصَلَ لِلْوَلِي فَإِنَّمَا هُوَ بِوَاسِطَةِ مُحَمَّدٍ sallallahu alayhi wa sallam لِأَنَّ ذَلِكَ بِاتِّبَاعِهِ وَلِاقْتِدَاءِ بِهِ لَا الْعَكْسِ لَا أَنَّ مُحَمَّدًا sallallahu alayhi wa sallam ya'khudhu an khatim al-awliya. Donc il dit donc que ce que le wali a reçu comme guidance ou comme bien ou comme science ou comme pratique religieuse, c'est uniquement par l'intermédiaire du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et tandis que donc il dit c'est uniquement par le fait de l'avoir suivi et d'avoir pris le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme modèle et comme exemple et non pas le contraire. Hein? Personne n'a le droit de prétendre ou de croire que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il prend de quelqu'un d'autre, hein? Ou il a pris de celui que les soufis appellent le dernier des awliya ou le sceau des awliya. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah il dit ensuite وَكَذَلِكَ مَنْ بَلَغَهُ رِسَالَةُ مُحَمَّد sallallahu alayhi wa sallam أو رسالة رسول إليه لا يكون وليا لله إلا إذا اتبع ذلك الرسول الذي أرسل إليه. Donc il explique maintenant de façon plus générale que c'est la même chose aussi pour quiconque a reçu ou à quiconque on a transmis le message d'un messager quelconque ou d'un messager qui lui avait été envoyé parmi les prophètes précédents n'aurait pu être un wali, hein, un serviteur rapproché d'Allah, excepté s'il avait suivi ce messager qui lui avait été envoyé. Hein? Donc le Cheikh il dit كذلك الأولياء قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إنما كانوا أولياء باتباعهم للرسل الذين هم في زمانهم ومن خالف الرسل فليس وليا لله وهو ولي للشيطان ولا طريق إلى الله عز وجل إلا عن طريق الرسل واتباع الرسل ليس هناك طريق آخر ليس هناك طريق آخر غير طريقة الرسل عليهم الصلاة والسلام فمن زعم أنه يصل إلى الله من غير طريقة الرسل فإنه كافر وضال. Donc le Cheikh Al-Fawzan il dit c'est la même chose pour les prophètes qui sont venus avant la venue du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nul ne pouvait être un wali à l'époque des prophètes précédents excepté en suivant les prophètes de leur époque ou le prophète de leur époque. Et quiconque avait contredit les messagers ou les prophètes de leur époque, eh bien, il n'était pas un wali d'Allah. Hein? C'est un wali du shaitan. Et il dit qu'il n'y a pas de chemin pour arriver à Allah excepté par le chemin des messagers. Et quiconque suit les messagers, hein, alors il est un wali d'Allah. Mais quiconque suit un chemin à autre que le chemin des messagers, eh bien, il n'est pas un wali d'Allah dans ce cas-là. C'est pour ça que le cheikh, il dit qu'il n'y a pas de chemin autre que le chemin des messagers pour arriver à Allah. Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas de raccourci. Celui qui pense qu'il peut atteindre Allah ou arriver à Allah par autre que le chemin des messagers, alors c'est un, soit un mécréant ou un égaré. Et le cheikh, il dit donc, quand il dit d'arriver à Allah, c'est-à-dire d'arriver à l'agrément d'Allah, d'arriver à être capable de satisfaire Allah. Et ensuite, cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit « وَمَنْ اِدَّعَى أن من الأولياء من بلغتهم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ومن له طريق إلى الله لا يحتاج فيه إلى محمد صلى الله عليه وسلم فهذا كافر ملحد. Donc quiconque prétend que parmi les serviteurs rapprochés d'Allah, parmi les awliya à qui le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est parvenu, hein, et qu'il pense qu'il a un chemin vers Allah autre et qu'il n'a pas besoin de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors dans ce cas-là il est kafir, mulhid, hein, c'est un mécréant et un athée, quelqu'un qui est dévié. Et Cheikh Al-Fawzan, il dit dans le charh, il explique, il dit bila shak, yani kafir mulhid. فهؤلاء الصوفية الذين يقولون إن الناس بحاجة إلى خاتم الأولياء حتى الرسل بحاجة إلى خاتم الأولياء هذا أعظم الكفر والإلحاد والعياذ بالله، لأن الولي ما صار وليا إلا باتباعه للرسول صلى الله عليه وسلم، فمن لم يتبع الرسول فليس وليا لله وإنما هو ولي للشيطان. دونك الشيخ الذي أبدت que c'est un kafir et un mulhid, un mécréant et un athée. Hein? Quelqu'un qui rejette la religion. Pourquoi? Parce que c'est, comme par exemple, il dit ces soufis qui prétendent ou qui disent que les gens ont besoin du Khatim al-Awliya et que même les messagers ont besoin du Khatim al-Awliya, du dernier des Awliya. Il dit ça c'est la plus grande forme de kofr, la plus grande forme de mécréance, la plus grande forme d'ilhad, hein? D'athéisme ou d'égarement. Parce que dans ce cas-là, ça voudrait dire que le prophète, il a besoin du wali pour être guidé. Et le cheikh, il dit, le wali, hein, il ne peut être un wali qu'en ayant suivi le messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et quiconque n'a pas suivi le messager n'est pas wali d'Allah, hein, n'est pas un serviteur rapproché d'Allah. Plutôt, c'est un wali du shaitan, hein. Allah musta'an. Et le cheikh, il dit ensuite, وإذا قال أنا محتاج إلى محمد في علم الظاهر دون علم الباطن أو في علم الشريعة دون علم الحقيقة. Donc on a déjà expliqué ça des fois, comme le cheikh Ibn Taymiyyah, il dit que il y en a d'autres qui disent qu'ils ont besoin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais uniquement dans la science de qu'est-ce qui est apparent et non pas dans la science de ce qui est caché. Hein, parce qu'ils divisent la religion en deux parties. Ils disent il y a la religion apparente et la religion cachée. La religion apparente, c'est tout ce que les musulmans connaissent, qu'est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a transmis de la sharia, hein, at-tahara, la purification, as-salat, la zakat, le hajj, le jeûne, hein, ça c'est les règles, hein, al-zahira, les règles de qu'est-ce qui est apparent. Tandis que ilm al-batin, c'est la croyance de l'intérieur, des choses cachées. Ils disent, nous on a besoin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam juste dans les règles de la religion apparente. Les choses les autres choses de qu'est-ce qui est caché, de qu'est-ce qui est secret, on n'a pas besoin de lui, on a la connaissance de ça directement d'Allah. Hein? Ou bien il y en a d'autres qui disent que la religion se divise en sharia et en haqiqa. Sharia, c'est pour le commun des musulmans, tous les musulmans, le messager, les prophètes, les sahaba, les ulama, les musulmans ordinaires, tout le monde. Hein? Eux, ils ont besoin de la sharia. Tandis que eux, ils ont dépassé la sharia. Ils disent, nous, on a al-haqiqa, on est au-dessus de la sharia. Hein? Et ça, c'est pour dire qu'ils n'ont pas besoin du messager dans la haqiqa parce qu'eux, ils ont été à un niveau plus haut. Hein? Et donc, ça, c'est de l'égarement aussi. Et le cheikh Al-Fawzan, il dit à ce sujet, « Minhum man yaqul, ana muhtajun ila Muhammadin, sallallahu alayhi wa sallam, fi ilm al-zahir faqat. Amma ilm al-batin, yani ilm al-qulub, فهذا لا أحتاج إلى محمد فيه أنا آخذه عن الله مباشرة فهذا أعظم الكفر أيضا فإننا بحاجة إلى محمد صلى الله عليه وسلم في علم الظاهر وعلم الباطن فلا تهتدي القلوب ولا تؤمن القلوب إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يسلم الإنسان في الظاهر إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh Al-Fawzan, hafizahullah ta'ala, il dit parmi eux, c'est-à-dire parmi les soufis, il y en a qui disent, moi j'ai besoin de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam uniquement dans la connaissance de qu'est-ce qui est apparent seulement de la religion. Tandis que la connaissance de qu'est-ce qui est caché, de qu'est-ce qui est intérieur, c'est-à-dire la science des cœurs, il dit, j'ai pas besoin de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans ces choses-là, parce que je le prends directement d'Allah. Le cheikh il dit ça, c'est parmi les plus grandes formes de kufr, ça aussi. Et il dit, de même que la personne qui dit, j'ai seulement besoin de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans la science de qu'est-ce qui est apparent et non de qu'est-ce qui est caché, ou de la réalité. Hein? Par exemple, ils vont dire, certains disent comme la sharia, j'ai besoin du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour la sharia. Mais la haqiqa, yani, je la prends d'Allah, j'ai pas besoin du prophète. Le cheikh il dit, celui qui dit, il a seulement besoin du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans les choses apparentes, alors il est kafir, yani, c'est du kufr. Et il dit, on a besoin du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans les deux, dans la connaissance de qu'est-ce qui est apparent et de qu'est-ce qui est caché, et les cœurs ne peuvent être guidés. Hein? Ils ne peuvent croire qu'en suivant le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on a besoin du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans tout. La yaslam al-insan fi al-zahir illa bittiba al-rasul. Donc, on ne peut pas être sauvé excepté en suivant l'exemple du messager sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit, فهو الشر من اليهود والنصارى الذين قالوا إن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول إلى الأميين دون أهل الكتاب. Donc, il dit que ceux qui ont cette idée que le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم, il n'est pas venu pour eux, il est venu juste pour le commun des musulmans, parce que ils disent que le Khatim al-Awliya, il prend directement d'Allah, hein. Ou bien ceux qui disent la différence entre al-zahir ou al-batin, nous on prend dans al-zahir mais on prend pas dans al-batin, parce que al-batin on le prend d'Allah directement, on n'a pas besoin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans ces choses là ou bien dans la sharia on le prend du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais pas la haqiqa. Ils disent, ceux qui disent cette parole sont plus mauvais que les juifs et les chrétiens qui disent que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il est envoyé uniquement pour les Arabes qui n'ont pas reçu de livre, et qu'il n'est pas envoyé pour les Juifs et les chrétiens. Hein? Donc il y a parmi les Juifs et les chrétiens des fois des gens qui disent ça. Hein? Ils disent aux musulmans, votre prophète, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas été envoyé pour nous. Nous on peut y rester juifs, on peut rester chrétiens, on n'a pas besoin d'accepter l'islam, parce qu'on a déjà un livre. Tandis que les autres peuples qui n'ont pas reçu de livre, comme les Arabes, avant l'islam, ou bien les autres peuples qui n'ont pas reçu de livre d'Allah, eux, ils doivent accepter l'islam, ou bien ils peuvent accepter l'islam. Mais nous, on n'a pas, eux, ils disent, nous, les juifs et les chrétiens, on n'a pas besoin. Donc ça, c'est du kufr. Et le cheikh, il explique que, non, une fois que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu, tous les hommes doivent accepter l'islam, qu'ils soient des gens du livre ou non. Hein? Et le Cheikh Al-Fawzan, il explique ça en détail. Il dit: فالذين يقولون نحن لا نحتاج إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في علم الباطن وإنما نحتاجه في علم الظاهر فهذا يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض فهو أشد من اليهود الذين يقولون إن محمدا رسول. يعني بعض اليهود, هناك من اليهود والنصارى من يعترفون أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول, ولكنهم يقولون إنه رسول إلى العرب فقط وليس رسولا إلى اليهود والنصارى, فهذا من أعظم الكفر, لأن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم عامة للثقلين الإنس والجن, أشد منه كفرا من يقول أنا أؤمن بما جاء به في الظاهر أما الباطن فأنا أصل إلى الله بدون الرسول, بدون الرسول صلى الله عليه وسلم. Donc le Cheikh il dit, ceux qui disent nous n'avons pas besoin du messager, hein? On n'a pas besoin du messager dans la science de qu'est-ce qui est caché ou des cœurs, hein? On a seulement besoin du messager pour la connaissance de qu'est-ce qui est extérieur ou apparent. Et il dit donc, ceux qui disent ça, ils sont comme ceux qui croient en une partie du livre puis qui renient l'autre partie. Et ils sont pires que les juifs et les chrétiens qui disent que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est certes un messager, mais c'est un messager seulement pour les Arabes, pas pour les autres peuples. Donc ils disent, nous, les juifs et les chrétiens, on reconnaît, hein, ou certains juifs ou certains chrétiens disent, on reconnaît que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un messager d'Allah, mais ils disent il n'est pas notre messager à nous, il est le messager pour les Arabes seulement. يعني ليس رسولا إلى اليهود والنصارى, فهذا من أعظم الكفر لأن رسالة محمد. Donc ça, c'est de la plus grande forme de mécréance, de dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'était pas un messager pour les juifs et les chrétiens, mais uniquement pour les arabes. C'est une des plus grandes formes de kufr, parce que le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un message général pour toutes, hein, pour les deux mondes, c'est-à-dire le monde des djinns et le monde des êtres humains. Donc, ça c'est pour dire que c'est du coffre en soi de vouloir exclure certains des êtres humains parmi les autres et de dire que il est seulement le messager d'une partie des êtres humains et non pas de tous les êtres humains. Et encore pire que ça, celui qui prétend qu'il croit en ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a amené dans ce qui est apparent, mais ce qui est caché ou la connaissance des cœurs, il dit ça. On n'a pas besoin du messager dans ça. Hein? On est capable d'atteindre Allah et de connaître Allah nous-mêmes sans avoir besoin d'un messager. Donc ça, c'est pire que la parole des juifs et des chrétiens à ce sujet. Ensuite, le Cheikh Ibn Taymiyyah, il dit فَإِنَّ أُولَٰئِكَ آمَنُوا بِبَعْدْ وَكَفَرُوا بِبَعْدْ فَكَانُوا كُفَّارًا بِذَلِكْ وكذلك هذا الذي يقول إن محمدا صلى الله عليه وسلم بعث بعلم الظاهر دون علم الباطن آمن ببعض ما جاء به وكفر ببعض. Donc le Cheikh Ibn Taymiyyah il dit que ceux qui disent nous croyons seulement en qu'est-ce qui est apparent, hein, ceux qui disent nous croyons seulement en ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a ramené dans la religion de ce qui est apparent et non la connaissance des cœurs, il dit c'est comme s'ils ont cru à une partie et ils ont renié l'autre. Et il dit de même que celui qui dit que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a seulement été envoyé avec la connaissance de ce qui est apparent, des règles de la religion, et non pas les connaissances intérieures, donc eux aussi ils ont cru à une partie et ils ont renié l'autre partie. Et le Cheikh Al-Fawzan, il commente à ce sujet en disant والرسول جاء بعلم الظاهر وعلم الباطن أما من يقول إنه جاء بعلم الظاهر فقط فهذا يؤمن ببعض الكتاب وهو الظاهر ويكفر ببعض وهو الباطن فهو كافر ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. Donc le cheikh, il dit ceux qui disent que le messager, il est venu juste avec une partie de la religion, yani, ils ont créé une partie, ils ont renié l'autre. S'ils disent que yani, ils disent ça, c'est de la mécréance. Le cheikh, il dit que le messager, il est venu avec toute la connaissance de l'intérieur, de qu'est-ce qui est apparent, de qu'est-ce qui est caché. Al-dhahir wal-batin. Donc celui qui dit il est juste venu avec qu'est-ce qui est apparent, hein, alors il a cru en une partie du livre, qu'est-ce qui est apparent, mais il a renié l'autre partie, c'est-à-dire qu'est-ce qui est caché, hein, ou c'est qui a rapport avec l'intérieur. Et il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné ça dans le Coran, versets 151. Ils disent, nous croyons en certains et nous renions certains, hein, et ils veulent prendre une voie entre les deux, ceux-là sont les vrais mécréants. Et ensuite, Cheikh Ibn Taymiyyah, il dit, فهو كافر وهو أكثر من أولئك لأن علم الباطن الذي هو علم إيمان القلوب ومعارفها وأحوالها هو علم حقائق الإيمان الباطنة وهذا أشرف من العلم بمجرد أعمال الإسلام الظاهرة. Donc le cheikh, il dit, celui qui dit ça, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous a pas enseigné ce qui est apparent, il nous a enseigné que ce qui est apparent de la religion et non pas les règles intérieures ou les règles qui sont cachées ou qui sont intérieures dans la religion. Le cheikh, il dit, ça c'est celui qui dit ça, il est kafir, hein, il est même plus mécréant que ceux qu'on a mentionnés auparavant, hein. Pourquoi? Parce que la science de l'intérieur, la science de ce qui est caché, il dit, cette science-là, c'est la science des cœurs, la connaissance de la foi des cœurs et de l'état, hein, des cœurs. Donc, cette science-là, c'est la réalité même de la foi intérieure qui est cachée. Donc, celui qui dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas enseigné ça, c'est comme s'il dit en réalité que la plus noble des sciences, eh bien, il ne l'a pas enseignée. Parce qu'il dit la science de la foi. La science de la foi et de qu'est-ce qui est dans le cœur. Ça, c'est plus noble. C'est la plus noble des sciences et c'est plus important et plus noble que les œuvres et les actions apparentes de l'islam seulement. Donc, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il a dit ça, puis Cheikh al-Fawzan, il fait comme commentaire à ce sujet-là. Iman al-Qulub ashrafu min al-Iman al-Zahir wal-Islam al-Zahir. Fa'idha lam yakun fi al-Qalbi Iman. حتى لو أن الإنسان صلى وصام ما تنفعه أعماله حتى يكون مؤمنا ظاهرا وباطنا. Donc le cheikh, il dit, la foi des cœurs, c'est plus noble que la foi apparente ou que l'islam apparent. Il dit parce que si quelqu'un n'a pas la foi dans le cœur, même si cette personne, elle fait la salat, elle fait le jeûne, cela ne lui profitera pas. Toutes les œuvres et les bonnes actions qu'elle va faire, ça lui sert à rien si elle n'a pas la foi intérieure. Hein? Donc, il faut qu'il soit croyant intérieurement et extérieurement. Sinon, sa foi n'a pas de valeur. Et le cheikh, il dit, فَإِذَا دَعَ الْمُدَّعِي أن محمدا صلى الله عليه وسلم إنما علم هذه الأمور الظاهرة دون حقائق الإيمان وأنه لا يأخذ هذه الحقائق عن الكتاب والسنة فقد ادعى أن بعض الذي آمن به مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم دون البعض الآخر دون البعض الآخر وهذا شر مما يقول. Ok, donc ici le cheikh Ibn Taymiyyah, il dit, donc quiconque prétend, hein, cette personne qui prétend que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a seulement enseigné les choses de la foi apparente et non pas les réalités de la foi intérieure, alors il dit, cette personne, hein, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les réalités intérieures de la foi, elle ne les prend pas du Coran et de la Sunna. Hein? Et quiconque prétend ça, il ne prend pas donc sa religion de ce qui a été ramené du messager. Donc il croit en une partie de ce que le messager a amené et il rejette l'autre partie. Et Cheikh Al-Fawzan, il dit à ce sujet-là, هذا في الرد على غلاة الصوفية التصوف كما هو معلوم نشأ في بداية أمره يراد به الاجتهاد في العبادة والتقشف وإظهار الزهد وهذا في حد ذاته ليس بمحمود لأنه من التشدد في دين الله ومن المشقة على النفوس ولما أراد نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشددوا على أنفسهم في الصلاة والصيام والتبتل رد عليهم صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا غضب غضبا شديدا وقال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا ولكني أصلي وأنام أصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن راغب عن سنتي فليس مني الدين دين الوسط والاعتدال لأن الوسطية والاعتدال يستمر معها الإنسان ويرتاح معها أما التشدد فإنه يشق على الإنسان ثم يصعب يترك المضي في العبادة لأنه بشر لا يستطيع أن يصمد أيام المشق أمام المشقة الطويلة المطلوب من المسلم الاستمرار على العبادة وفي الحديث وإن أحب الأعمال إلى الله عز وجل أدومه وإن قل والرسول صلى الله عليه وسلم وصف المتشدد الغالي في العبادة بالمنبت الذي قطع في أثناء السفر حمل على راحلته وشدد عليها في السير حتى انقطعت فبقي في منتصف الطريق أو في أول الطريق فهو لا ظهرا أبقى ولا مسافة قطع قال صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق ولا تبغض إلى نفسك عبادة الله فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى فهذه صفة المتشدد في الدين هذا من ناحية وهذا محذور أيضا. Donc le cheikh il dit qu'il y a ici bon une réfutation des soufis et il dit comme vous savez le soufisme hein, qu'est-ce qu'on appelle le soufisme ou certains l'appellent le mysticisme hein, Allah al-Musta'an. Eh ben, au début, c'est apparu comme le fait de vouloir faire des efforts dans la religion et dans l'adoration, de vouloir se détacher des parures et des belles choses de la dunya et de se rattacher à l'au-delà. Donc, il dit, ça a commencé donc par un peu d'exagération dans l'adoration. Et ça, en soi, c'est quelque chose qui n'est pas louable. Parce que le fait d'exagérer et d'être trop dur dans la religion d'Allah, c'est de se mettre de la difficulté sur son âme. Et ça, c'est quelque chose qui est blâmable. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a été très sévère envers des personnes qui ont voulu justement exagérer dans la religion, dans le jeûne, dans la salat, dans la prière de la nuit, ou bien dans le fait de vouloir s'abstenir d'avoir des rapports avec des femmes dans le mariage. Hein, même dans le mariage, certains voyaient dans ça comme quelque chose de futile, ou bien ils disaient ils croyaient par exemple que le mariage c'est quelque chose qui fait partie des plaisirs de la vie et qui distrait de l'adoration et qui éloigne d'Allah. Donc eux, ils considéraient qu'il fallait... Hein, comme ils ont dit, par exemple, nous on va jeûner la nuit, on va prier toute la nuit, on va jeûner tous les jours, et puis on va pas épouser de femme, on va rester toujours célibataire comme des moines. Hein? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a entendu ça. Il a entendu qu'il y a des gens qui ont dit ça. Il a été extrêmement fâché et il a réfuté hein, ces gens-là en disant qu'ils ont des gens qui disent telle ou telle parole hein, ces gens-là qui ont dit qu'ils allaient jeûner tout le temps et qu'ils n'allaient jamais dormir la nuit, ils allaient prier toute la nuit, ou qu'ils allaient s'abstenir des femmes et ne pas épouser de femmes. Alors il a dit, moi je prie la nuit et je dors et je jeûne et parfois je ne jeûne pas et j'épouse des femmes. Celui qui préfère quelque chose autre que ma sunna, il n'est pas des miens, il n'est pas de moi. Alors le cheikh il dit, donc la religion c'est la religion de la modération, la religion du juste milieu entre les extrêmes. Et il dit que la modération et le juste milieu, l'être humain quand il le suit, il est capable de persister, de continuer dans la religion, dans l'adoration, et son âme va être reposée. Il ne va pas se mettre une charge trop lourde sur lui-même qui va faire en sorte que ça devienne trop difficile pour lui, puis que par la suite il ne soit plus capable de continuer dans l'adoration. Il est obligé d'abandonner parce que c'est un être humain. C'est un être humain. Et un être humain, devant quelque chose qui est trop lourd, quelque chose qui est dur trop longtemps, il ne peut pas continuer. Hein? Tôt ou tard, il va se fatiguer, il va s'arrêter. Donc, qu'est-ce qui est exigé de la part du musulman? C'est de persister dans l'adoration et de faire une adoration constante, de façon modérée. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit dans le hadith qui est rapporté par Abu Daoud et An-Nasa'i et rapporté par Muslim aussi selon Aisha radiyallahu anha, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, il dit que l'acte que Allah aime le plus, c'est celui qui est fait de façon constante, même si c'est peu. Hein? Donc, de faire quelque chose qui est constant, même si c'est peu, c'est mieux que de faire une grosse action, hein, une seule fois, puis qu'après tu fais plus rien. Donc, par exemple, il y a des gens comme ça. Ils veulent faire une grosse action. Ils vont donner, par exemple, une grosse sadaqa, puis après, pendant 2-3 ans, ils vont plus donner de sadaqa. Tandis que quelqu'un, lui, il vient, chaque fois qu'il rentre, il met $1 dans la boîte, hein, sadaqa. Hein, de temps en temps, quand il a du change ou un peu d'argent, il met à chaque fois. Il continue comme ça pendant 2-3 ans. L'autre, il vient, il met un gros sadaqa, puis pendant 2-3 ans, il ne donne plus rien. Lequel des deux est meilleur? Celui qui donne constamment, il est mieux que celui qui donne juste une fois, puis qu'après, il ne donne plus. Donc, c'est la même chose. Ça, c'est un exemple pour la sadaqa, mais on peut donner des exemples pour d'autres choses. On peut donner des exemples pour la salat. Quelqu'un qui, par exemple, va faire une prière pendant toute la nuit, puis après, pendant 2-3 mois, il ne va pas prier la nuit. Tandis qu'il y en a un, peut-être, il va se lever, il va faire raka'atayn, il retourne se coucher. Hein? Quelqu'un va dire, ah, mais ça, c'est pas beaucoup, raka'atayn. Comment tu fais qiyam al-layl, tu fais juste raka'atayn? Mais c'est mieux de se lever faire raka'atayn que de ne pas rien faire du tout pendant, hein, 3-4 mois ou bien une année, tu fais pas de qiyam al-layl, puis là, tu te lèves une fois, tu fais toute la nuit, hein, qiyam al-layl. Donc, ça. Qu'est-ce qui est peu mais constant, c'est mieux que qu'est-ce qui est beaucoup mais qui est, hein, coupé ou entrecoupé, tu le fais pas de façon régulière. Après, le cheikh il dit que le messager sallallahu alayhi wa sallam, il a décrit la personne qui exagère dans la religion comme la personne qui part en voyage avec un cheval ou avec une monture et puis il roule, hein. Il roule avec le cheval, il va pas rouler, mais c'est une façon, il veut dire, il galope, hein. Il part avec son cheval, il galope à toute vitesse. Naam, walakin fil ida'a, fi nas yastami'un. وهم لا يفهمون العربية فلهذا أنا أترجم لهم بارك الله فيك. يعني la personne qui part avec son cheval au galop, hein, et le cheval il va à toute vitesse, hein, subhanallah. Et puis après le cheval il est fatigué, il peut plus avancer, et même s'il essaie de la forcer pour avancer, elle avance plus parce qu'elle est épuisée complètement, hein. Donc le cheikh il mentionne le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet là et c'est un hadith qui est rapporté par Al-Bayhaqi et Al-Hakim selon Jabir. Il dit que la personne qui est trop dure dans sa religion, hein, parce que le hadith a dit la personne elle doit pas, elle dit cette religion, l'islam, elle est une religion qui est solide, qui est dure, hein, elle est lourde déjà à la base, il faut la prendre avec douceur, parce que si tu la prends pas avec douceur, tu vas te faire détester à toi-même l'adoration. Hein, tu vas te faire détester à toi-même l'adoration. Il dit c'est comme la personne qui part avec sa monture, hein, et qui épuise sa monture du premier coup. Hein. Aujourd'hui avec les autos, on peut faire le même analogie avec la voiture. Si on dit quelqu'un il roule, il pèse le gaz au maximum, hein, puis il brûle le moteur. Hein. C'est la même chose. Tu prends ton cheval, tu galopes à toute vitesse, tu fais quoi? 100 mètres, tu fais quoi, 200 mètres, 1 km, après, elle ne peut plus avancer. Donc, dans le hadith, ça dit, il n'a pas fait une longue distance et il n'a pas préservé son cheval parce qu'il est fatigué, il est épuisé, il est mort de fatigue. Donc, c'est ça le résultat de la personne qui est extrémiste dans la religion. Hein. Donc, il faut faire attention à l'extrémisme et à l'exagération. Il dit, « Wal mahzour al-thani ashad » وهو أنه إذا فتح لنفسه هذا الباب وعمل عملا ليس عليه هدي الرسول صلى الله عليه وسلم فإن هذا يجره إلى الإلحاد في دين الله كما حصل لمتأخر الصوفية فإن تصوفهم آل بهم إلى الإلحاد كما ستسمعون الآن من طريقتهم آل بهم إلى الإلحاد حتى قالوا إن الولي خير من النبي هل هناك أفضل من الرسول ومن الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم يقولون لا إن الأولياء أفضل من يعنون بالأولياء يعنون الصوفية يقولون إنهم أفضل من الأنبياء لماذا لأنهم يأخذون عن الله مباشرة وهل أحد يأخذ عن الله مباشرة من البشر ما أحد يأخذ إلا بالوحي المنزل أو الكلام المسموع من وراء حجاب كموسى عليه السلام أما أن يأخذ عن الله مباشرة أو يزعمون أنه يجالس الله تعالى الله عن ذلك ويقولون إن الأنبياء يأخذون من الأولياء لأن الأولياء يأخذون عن الله مباشرة والأنبياء يأخذون عن الأولياء انظر كيف بلغ بهم الخروج عن الدين عن دين الله عز وجل كله أصله من البدعة البدعة تجر إلى الشر ولكن قد يكون هذا الشر كثيرا وقد يكون قليلا فالبدعة لا خير فيها ولهذا حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم وحذر من البدعة غاية التحذير فهم يقولون إن الأولياء أفضل من الأنبياء وإن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء إن الأولياء يأخذون عن الله يقصدون بالأولياء الصوفية ويسمون أولياء يسمونهم أولياء بلغ بهم الوقاحة والجرأة إلى هذا الحد والسبب في هذا هو فتح باب البدعة والخروج عما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم ويقولون إن النبي يأخذ من علم الظاهر أما الأولياء فهم يأخذون من علم الباطن فهم يعلمون شيئا لا يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم لأن الأنبياء إنما يأخذون بالأمور الظاهرة ويأمرون الناس بالأمور الظاهرة. أما الأولياء فهم يعرفون الحقائق والأمور الباطنة وهم يتبعون الأنبياء في بعض الأمور فيكونون ممن آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض. كيف تطيع النبي في بعض الأمور وتخالفه في الأمر الآخر؟ تفترق عنه وتزعم أنك خير منه. هذا من الإيمان بالبعض، بل هو أشد من كفر اليهود الذين قال الله فيهم: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. تهديدات والعياذ بالله على من يؤمن ببعض، يؤمن ببعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ويكفر بالبعض الآخر. فهم يقولون: نطيع الرسول في الأمر الظاهر ولا نطيعه في أمر الباطن، الرسول جاء بالظاهر والباطن. وهم يقولون: لا، نحن ما نطيع الرسول في أمر الباطن، وإنما نطيعه في أمر الظاهر فقط. فهذا إيمان ببعض الكتاب وكفر ببعض، يعني وكفر ببعض. أوكي، on va traduire ce passage. C'est le deuxième point de l'interdiction par rapport à ce que le cheikh a mentionné de la façon dont les soufis se comportent par rapport à la révélation du messager sallallahu alayhi wa sallam, et qu'ils croient uniquement en une partie et qu'ils rejettent l'autre. Ils disent: nous on prend juste ce qui est apparent et pas ce qui est caché. Ou qu'est-ce qui est apparent, on le prend. Mais qu'est-ce qui est intérieur, ça c'est la science de l'intérieur, on l'apprend directement d'Allah, on n'a pas besoin du messager. Donc le cheikh, il dit: lorsque la personne a ouvert cette porte pour lui-même ou sur lui-même, et qu'il fait des actions qui ne sont pas en accord avec la guidance du messager sallallahu alayhi wa sallam, alors cela risque de l'amener à l'athéisme, ou à la déviation dans la religion d'Allah, comme cela est arrivé aux soufis qui sont arrivés plus tard dans le temps, après l'époque des premiers soufis. Donc ceux qui sont venus après les premiers soufis, ils ont rajouté à leur soufisme et à leur mysticisme, entre parenthèses, d'autres égarements et d'autres déviations qui les a fait tomber dans des formes parfois d'hérésie et même des formes de mécréance et de kufr et d'hypocrisie, de nifaq et toutes sortes de formes d'égarements. Allah al-musta'an. Certains d'entre eux sont arrivés jusqu'au point de dire, par exemple, que le wali est meilleur que le prophète. Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut être meilleur qu'un messager ou qu'un prophète? Ça, c'est pas possible. Et ils disent: non, les awliyas sont meilleurs. Et qui veulent-ils dire par les awliyas? Ils veulent dire par les awliyas les soufis. Pour eux, les awliyas, c'est seulement des soufis. Il n'y a pas des awliyas qui ne sont pas des soufis pour eux. Comme on l'a expliqué au dernier cours, quand on a lu les paroles des Tijaniya, par exemple. Les Tijaniya, non seulement ils disent que les awliyas, c'est des soufis, mais ils disent que les awliyas doivent absolument être, ou que le dernier des awliyas doit absolument être, ou que le Qutb doit absolument être un Tijani. Il ne peut pas être d'une autre tariqa. C'est de la folie. Et il dit, le Cheikh, que eux, ils disent donc que les prophètes, les awliyas sont meilleurs que les prophètes. Pourquoi? Parce qu'ils disent, eux, ils prennent directement d'Allah. Et le Cheikh, il pose la question: Il dit, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi les hommes qui prend directement d'Allah la connaissance? Il dit, il n'y a personne qui prend la révélation. Il n'y a personne excepté qu'il prend de la révélation qui est révélée. Hein? Ou soit il va prendre une parole qui est entendue derrière un voile, comme pour Moussa alayhi salam, ou bien il prend, hein, ou bien il prend de l'intermédiaire d'un ange qui lui transmet la révélation, mais que quelqu'un prétend qu'il prend directement d'Allah, ou qu'il s'assoit avec Allah, qu'il discute avec Allah, hein. Ces gens-là, ils prétendent ce genre de choses. Les soufis, ils disent, les prophètes, ils prennent des awliyas. Ils prennent des awliyas, nous on prend d'Allah directement. Ça c'est de l'égarement. Dit les prophètes, eux, ils disent, ils prennent des awliyas. Donc regardez jusqu'à quel point ces gens-là sont sortis de la religion d'Allah. Hein? Et tout ça à la base, c'est à cause de la bid'ah, de l'innovation. Parce que c'est à ça qu'amène l'innovation, vers le mal. Hein? Mais il y a des choses qui sont mauvaises, qui peuvent être grandes, et il y a d'autres choses mauvaises qui peuvent être plus petites. Hein? Mais de toute façon, la bid'ah, il n'y a rien de bon dedans. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre la bid'ah et contre l'innovation de la façon la plus sévère. Hein? Donc ces gens-là, ils disent que les awliyas sont meilleurs que les prophètes, et que le dernier des awliyas est meilleur que le dernier des prophètes. Ou bien que les awliyas prennent d'Allah directement. Et ils parlent, en disant les awliyas, ils parlent des soufis. Ils les appellent awliyas. Hein? Donc ils sont arrivés dans l'affront et dans l'égarement jusqu'à ce point, hein, de dire que ce sont eux les awliyas. Et donc tout ça, c'est la porte de la bid'a qu'ils ont ouvert, par laquelle ils sont sortis de ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam a légiféré. Et souvent je le dis, hein, souvent je dis ça, c'est qu'une fois que quelqu'un a ouvert la porte à la bid'a et qu'il a accepté l'idée de la bid'a, qu'on puisse faire des bid'a dans la religion, eh bien il n'y a plus de limite après. Hein? Il n'y a plus de limite possible. Parce que qui par la suite, une fois qu'ils ont accepté l'idée qu'il y a des bonnes bid'a et que la bid'a est permise, qui va venir après pour la fermer puis dire non, ça c'est pas correct, cette bid'a là elle n'est pas bonne. Toi, tu viens d'ouvrir la porte de la bid'ah puis dire oui, c'est correct de faire des bid'ah. Puis après, toi, tu viens puis tu veux essayer de la limiter. C'est plus possible. La porte, là, une fois que tu l'as défoncée, elle ne peut plus se fermer. Elle est brisée. Eh bien, c'est ça qui arrive quand on ouvre la porte à la bid'ah. Hein? Et c'est comme si, donc, on permet maintenant, par la suite, à ce que n'importe qui se permette de faire n'importe quoi dans la religion d'Allah. Donc, le cheikh, il dit ensuite que ces gens-là, hein, ils se permettent de faire des bid'a dans la religion d'Allah. Et ils sortent de ce que le messager, sallallahu alayhi wa sallam, a légiféré. Et ils disent que le prophète, il prend uniquement de la connaissance de ce qui est apparent. Hein, tandis que les awliya prennent de qu'est-ce qui est caché de la religion, qu'est-ce qui est intérieur. Hein, et ils disent que donc le cheikh dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ils savent des choses que selon eux le prophète ne connaît pas, hein? Parce que ils disent que, hein, les prophètes, ils prennent uniquement les choses qui sont de ce qui est apparent, extérieur, hein? Et ils ordonnent aux gens de faire ce qui a rapport avec les choses extérieures de la religion, tandis que les awliya, eux, connaissent les réalités cachées et intérieures de la religion. Hein? Et ils disent que ils suivent les prophètes dans les choses extérieures ou dans certaines choses. Hein? Donc ça veut dire que dans ce cas-là, ils croient en une partie du livre et ils rejettent l'autre partie, hein, parce qu'ils disent que ils n'ont pas besoin des prophètes pour les autres affaires de la religion, les choses intérieures, les choses cachés, hein, ou les choses de qui sont à l'intérieur de l'être humain, qui font partie de ce qui est caché. Donc ça c'est le fait de rejeter une partie de la religion. Donc ça veut dire que ils divisent la religion et ils prétendent qu'ils sont meilleurs que les messagers. Et donc ça veut dire qu'ils croient en une partie, du livre et il renie l'autre partie. Et donc le cheikh il dit ça c'est pire que ce que les juifs hein, ont dit lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné à leur sujet, est-ce que vous croyez en une partie du livre et que vous reniez l'autre partie, quelle sera la récompense ou la rétribution de celui qui fait cela parmi vous, excepté l'humiliation dans la vie d'ici-bas. Et au jour de la résurrection, ils seront ramenés au plus dur châtiment. Et Allah n'est pas indifférent de ce que vous faites. Donc ce sont des menaces de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah nous en préserve, pour ceux qui croient en une partie de ce que le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a ramené et qui renie l'autre partie, et qui disent « Nous obéissons au messager dans les choses de l'apparent, mais nous ne lui obéissons pas dans ce qui est intérieur et de ce qui est caché. » Et le messager, il a ramené uniquement ce qui est extérieur et non pas ce qui est intérieur. Et le cheikh, il dit « Le messager, il a tout amené. Il a amené ce qui est intérieur et extérieur. » Et eux, ils disent « Non, nous n'obéissons pas au messager dans les choses de l'intérieur. » Hein, on l'obéit seulement dans ce qui est apparent. Et le cheikh il dit ça, c'est le fait de croire en une partie de la religion et de renier l'autre partie. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, inshallah, et on continuera la suite au prochain cours, inshallah. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب إليك صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته